Ici Jean-François Baudry, directeur général de la Maison funéraire Hébert et fils. Le temps des fêtes nous donne l'occasion de vous redire merci pour la confiance que vous nous témoignez. La direction ainsi que les membres du personnel se joignent à moi pour vous transmettre leurs meilleurs vœux du temps des fêtes. Que ces moments privilégiés passés en famille demeurent à jamais gravés dans vos mémoires. La Maison funéraire Hébert et fils vous souhaite de très joyeuses fêtes et une bonne et heureuse année. La coopérative de camionnage de Saint-Félicien aimerait souhaiter de joyeuses fêtes à toute la population. La coopérative de camionnage de Saint-Félicien est un employeur important dans le comté puisqu'il possède des camions de transporteurs et des chargeurs de bois. Les bureaux de la coopérative de camionneurs sont situés au 905 boulevard Amel à Saint-Félicien, au téléphone 418-679-4194. Monsieur Stéphane Fortin et tout le personnel de Dolbeau Auto remercient leur distinguée clientèle pour leur encouragement et leur soutien pendant l'année qui se termine. Et profitent de l'occasion pour vous souhaiter de très joyeuses fêtes et vous incitent à la prudence pendant ces moments de grande réjouissance. Dolbeau Auto au 1770 boulevard Wahlberg à Dolbeau-Mistassini au numéro de téléphone 418-276-0580 et n'oubliez pas également de consulter notre page Facebook. On va parler de hockey des Saguenay. Hier, on a parlé avec l'instructeur-chef Yannick Jean, également le directeur général. Là, maintenant, on va parler comme à tous les mardis ou lundis. On parle avec notre descripteur des matchs des Saguenay, Sébastien Morin. Salut, Sébastien. Salut. Sébastien, d'abord, avant tout, on va parler des transactions avant de parler de la semaine. Tout le monde le savait, sauf que tu n'as pas le droit de le commenter parce que on connaît ta situation. Là, maintenant, c'est fait. On peut le commenter. Les frères Klima s'amènent à Chicoutimi, Kevin et Kelly. C'est qui le meilleur des deux? Cette année, c'est Kelly. L'an passé, c'était Kevin. Les deux se complètent très bien, semble-t-il. Un est plus passeur, l'autre est plus marqueur. Kelly, c'est lui qui va marquer les buts. Kevin, c'est lui qui va fabriquer les jeux. À savoir l'utilisation, j'ai entendu Yannick Jean hier dans divers médias dire qu'ils allaient les utiliser ensemble, là, au moins pour le départ, pour les acclimater avec la famille des Saguenay-Chicoutimi. Très hâte de les voir ensemble sur la patinoire. J'ai regardé des photos hier pour le site web et tout ça. Puis il y a une très forte ressemblance entre les deux jeunes hommes. Il y en a un qui a l'air d'avoir les cheveux un peu plus longs que l'autre, donc ça va peut-être être la façon la plus simple de les distinguer dans le vestiaire quand ils n'auront pas leur numéro dans le dos. Je pense que c'est une très, très bonne addition d'Yannick Jean. Des joueurs extrêmement rapides, des bons fabricants de jeux, des joueurs qui sont capables de faire des jeux à haute vitesse dans des situations très, très complexes. Je pense qu'il aime ça aussi jouer dans le trafic, un peu à l'image de l'acquisition de Joey Rattel aussi la semaine dernière. Oui. Des gars de caractère, des gars qui vont se présenter soir après soir puis qui vont être capables de marquer des buts. Ce qui manque, je dirais, depuis le début de la saison chez les Sags, mais on a bien vu en fin de semaine que les Sags étaient quand même capables de marquer quelques buts pendant un même match. OK. C'est comparable au frère Cédine, hein? Je pense pas des joueurs de la même façon. Ouais, exactement. D'ailleurs, Yannick Jean l'a dit aussi, c'est les deux ensemble ou pas pantoute. Il n'aurait pas été question d'échanger ou d'aller chercher un des deux. Les deux veulent jouer ensemble leur stage junior. Puis c'est une très, très bonne transaction si on regarde ça. Un choix de 1, un choix de 4 et Julien Tessier qui faisait plus ou moins partie des plans des Saguenay à court et à moyen terme. Donc, il n'y a pas de joueurs qui partent de l'alignement des Sags présents pour aller en rentrer deux nouveaux qui ont le potentiel, en plus de ça, de revenir comme joueurs de 20 ans l'an prochain. Si tel est le cas, c'est une transaction totalement géniale du directeur général Yannick Jean. OK. J'imagine qu'ils vont mettre s'acclimater sur la grande glace de Saint-Georges-Vézina. Tu as dit climat dans ton mot, là. C'est un jeu de mots, Danny, ça? Non. Tu as dit acclimater. Non, c'est pas vrai. Okay, on va en entendre souvent des blagues sur les climats. Je pense que oui, ils vont être capables de bien fitter dans le système des Sags. Ils vont jouer avec soit Nicolas Roy ou soit Dimitri Zoukanov. C'est deux très, très bons fabricants de jeux dans la LHJMQ. Hâte de voir comment Yannick Jean va être capable justement de balancer ses trios. Si en plus de ça, on réussit à rajouter un deuxième Européen là-dedans, il va avoir des beaux casse-têtes, mais ça veut dire qu'on aura trois très bons trios à l'attaque du côté des Sags, plus un excellent trio défensif. Ça veut dire qu'on a un alignement très bien balancé du côté de l'avant. On va rester maintenant à solidifier, je dirais, les bases qui sont très, très bonnes. Là, en passant, là, on pourrait très bien s'en sortir de la façon dont c'est structuré défensivement présentement, mais pour aider les les plus jeunes à mieux performer, à avoir moins de minutes de glace, puis à donner des meilleures minutes de qualité, puis peut-être éviter les erreurs dans leur territoire, ben je pense que de rentrer un défenseur, peut-être deux, d'ici la fin de la période des transactions, serait assurément quelque chose qui aiderait les Sags à faire encore plus un long bout de chemin en séries éliminatoires. Ben, Yannick Jean m'a dit hier qu'il excluait pas l'autre transaction. Exactement, il n'y a pas le choix. Là, c'est pas all-in, mais au point où il est rendu, il est aussi bien d'y aller parce que mais on regarde ça, il est aussi bien d'y aller. Si on y va présentement de cette façon-là, avec l'alignement qu'on a, on est quand même très bon pour la fin de la saison, mais il va en manquer pour compétitionner avec les Huskies de Rouyn-Noranda, avec l'Armada de Blainville-Boisbriand, avec les Sea Dogs de Saint-John, puis potentiellement avec les Islanders de Charlottetown aussi, qui s'en viennent avec le retour de Daniel Sprong. J'ai bien hâte de voir ce que Yannick Jean va faire. Là, présentement, il a réussi à ne pas sortir de joueurs, de recrues, de potentiels, là, tu sais, des joueurs d'avenir de l'alignement des Sacs. Oui, exactement. Dégagné, Gros Lot, Noël, Hood, La Palme, ces joueurs-là restent dans l'alignement des Sacs. Le noyau va être là pour les prochaines années. Puis avec les additions qu'il fait cette année, ben, il y a des potentiels de prolonger un peu la séquence. Ça risque d'être moins une mauvaise saison l'année prochaine qu'on aurait pu l'anticiper si Yannick Jean avait sorti quelques joueurs qui auraient pu avoir de l'impact l'année prochaine. Pour l'instant, c'était pas le cas. J'ai hâte de voir les prix qui vont rester à payer. Semble-t-il que les prix sont très élevés présentement. C'est un marché de vendeurs. Donc, les prix pour les vendeurs sont extrêmement élevés. Puis ceux qui veulent acheter, ben ça coûte excessivement cher. Puis présentement, ben, c'est pour ça que ça explique un peu le peu de transactions depuis le début. On s'attendait à plus de mouvements que ça au début de la période des transactions. Finalement, ça va peut-être aller plus après Noël. Parce que là, il y a une période de grâce là, dans les prochaines heures qui va commencer, puis avoir de mouvements de personnel là, pendant la période de Noël. Donc, ça va aller au retour. Mais ça risque de bouger encore chez les Sags. En tout cas, je serais fort surpris qu'Yannick Jean ait fermé son téléphone cellulaire pour les prochains jours. OK. Donc, j'aimerais que, évidemment, ça va dépendre. Quand tu dis du prix élevé, moi, je pense qu'à quelque part, tu me corriges si tu es d'accord avec moi, mais le prix risque de baisser plus on va aller à la fin de la limite de transaction, hein? Définitivement, la panique va prendre à certains DG qui vont rester pris un peu avec ce qu'ils avaient mis sur le marché puis qui avaient demandé des prix exorbitants. C'est comme un marché immobilier, là, le marché des joueurs. Plus tu vas attendre, plus tu vas avoir un objectif de vente à un moment donné, mais il va falloir à un moment donné que tu t'entendes avec les autres équipes. Puis Yannick Jean nous prouve, je pense, de transaction en transaction, qui n'est pas le gars qui paye trop cher ses acquisitions. Tu sais, dans le cas de Joey Ratel, oui, ça a coûté Nicolas Gay, mais il avait pas l'air de vouloir trop revenir avec les Saguenayens cette année. Ryan Verbeek, ça a été un bon ajout pour le prix qu'on a payé pour l'amener ici, mais si tu ramènes Ratel avec ça, puis ça coûte un choix de quatrième ronde avec tout ça, c'est pas un prix excessivement élevé pour amener un joueur de la qualité qui est capable de donner de très bonnes mises en échec, de marquer des buts, de fabriquer des jeux. Il l'a fait dans la remontée spectaculaire dans le match de samedi dernier des Sags. En tout cas, Yannick Jean, jusqu'à date, un très, très bon travail en tant que directeur général. Maintenant, le directeur général donne des outils à l'entraîneur. Voyons voir ce que l'entraîneur va réussir à faire au début de la deuxième moitié de saison quand tous ces nouveaux éléments-là vont se greffer à nos vétérans, à nos Frédéric Allard, à Nicolas Roy, à Julio Bilia. Puis de voir comment le casse-tête va se former là, pour le reste de la saison. Mais avec un Fred Allard dans l'entourage des Sags, là, pour ce qui est de la chimie puis de l'intégration d'un joueur, on est très bien équipé en social guy, je dirais, chez les Sags. Fred Allard, c'est un excellent vétéran sur la glace, mais aussi hors de la glace. Il est capable d'organiser ça, une chambre de hockey, puis ça va aider grandement l'intégration des nouveaux chez les Sags. OK. Sébastien, on est dans le temps des fêtes. Beaucoup de publicité. On revient dans quelques instants. On va parler des trois matchs de la semaine dernière. Donc, vous êtes à l'écoute de la chronique des Saguenay avec Sébastien Morin. Ici Yannick Saint-Pierre, directeur général de Jean Dumas Ford. À mon nom personnel et des employés, il me fait plaisir de vous souhaiter un joyeux Noël et une bonne année. Nous vous remercions de la confiance témoignée durant la dernière année et nous vous invitons également à venir nous rencontrer dans nos tout nouveaux locaux situés au 1711 boulevard Vézina. Et de plus, si vous voulez nous rejoindre, vous pouvez nous contacter au 418-276-1316. Ici Sandrine Lamontagne. En ce temps de réjouissance, Marc et Martin Lamontagne d'Excavation Dolbeau et son centre de récupération tiennent à vous souhaiter un joyeux temps des fêtes à toute sa clientèle et à tout leur personnel. Pour qui, c'est un peu la fête aussi, car ils célèbrent le 35e anniversaire de l'entreprise. Merci de la confiance et de l'encouragement que vous nous avez témoigné au cours de la dernière année. Il nous fera grand plaisir d'être là pour vous l'an prochain. Au nom des propriétaires et des employés d'Excavation d'Olbeau et son centre de récupération, joyeux Noël et bonne année. Ici Sylvain Rouleau, directeur général de la Caisse Desjardins du Nord du Lac-Saint-Jean. Et Luc Girard, directeur général de la Caisse populaire Desjardins des Plaines-Boréales. À l'occasion du temps des fêtes, rien n'est plus agréable que de festoyer avec ceux qu'on aime. Cette période de l'année nous offre une occasion unique de nous rapprocher des personnes qui nous sont chères et de partager des moments magiques. Au nom des dirigeants et du personnel de vos deux caisses, nous vous remercions de la confiance témoignée tout au long de l'année, que la nouvelle année vous apporte bonheur, santé et prospérité et qu'elle vous permette la réalisation de vos vœux les plus chers. Joyeuses fêtes! La direction et le personnel du garage Gérard Tremblay profitent de ce moment de réjouissance pour remercier sa clientèle qui l'encourage année après année. Joyeux Noël et bonne année! Ce sont les vœux du garage Gérard Tremblay situé au 165 boulevard Dequin à Dolbeau-Missassigny au numéro de téléphone 418-276-0060. Et n'oubliez pas que nous serons toujours là pour bien vous servir pendant la prochaine année. L'équipe de la SADC Maria Chapdelaine désire vous remercier pour la confiance que vous leur avez accordée durant la dernière année et elle vous souhaite un joyeux temps des fêtes et une bonne année. Que cette nouvelle année vous apporte le bonheur, la réussite, le succès dans vos projets ainsi que l'accomplissement de vos rêves. Développement économique Canada pour les régions du Québec appuie financièrement la SADC Maria Chapdelaine. On est de retour à danradiosport.com. Sébastien, les Saguenayens tiraient de l'arrière 3-0. Ils ont gagné 4-3 contre Bécomo. Jusqu'à quel point ça peut donner un momentum à l'équipe? Ben, un momentum à l'équipe, ça, on va le voir, mais ouais. Je dirais que ça a permis aux joueurs des Sags de quitter le Saint-Georges Vizina avec un sourire. Dans les derniers matchs, la séquence de 7 défaites de suite, ça devenait peut-être lourd un peu. Les Sags, présentement, t'sais, sans Nicolas Roy, il trouvait déjà la charge de travail excessivement difficile. Puis, on a connu quelques mauvais débuts de match. C'est venu 1-0, 2-0, 3-0 rapidement dans certaines rencontres. Puis, on les sentait découragés, sentait mal travailler, mal canaliser l'énergie à ce moment-là. Je sais que samedi, là, à un moment donné dans le match, il y a un vétéran qui s'est levé au banc, puis ça a un petit peu retourné un peu la poutine de côté. Joey Ratel a distribué des mises en échec, entre autres une très très solide mise en échec sur Jordan Martel de Chicoutimi. Il y a un combat qui a éclaté par la suite. Il y a eu deux combats à un moment donné dans le match. T'sais, on a démontré beaucoup de caractère du côté des Sags. C'est ça qui est rassurant après la déveine, entre autres, la veille. À Shawinigan, le vendredi soir, là, la défaite de 6-1, je pense, ou 5-1, c'était pas un beau match de hockey. T'sais, les Sags étaient quand même dans le coup jusqu'à 3-0. À un moment donné, on les a sentis un peu cassés. Mais au moins, ce qui a été de rassurant, c'est que même si c'était contre le Drakkar de Bécomo, qui a un très bon début de saison, qu'une équipe présente soir après soir, qui travaille à chaque présence sur la glace, qui est rendu difficile à gagner contre. Là. Si tu te présentes pas ou tu travailles mal contre le Drakkar, tu vas perdre des matchs, puis plusieurs équipes, puis de très bonnes, là, dont les Huskies de Rouyn-Noranda l'ont appris à leur dépens cette saison. De revenir après un 3-0 et surtout un très mauvais début de match, là, à 17-3 les tirs après 20 minutes de jeu, l'indiscipline, tout ça. Bon, on a réussi à serrer les coudes en deuxième et en troisième, puis à donner un excellent spectacle aux partisans qui étaient présents au Saint-Georges Vézina avant la période des fêtes. OK. Donc, 6-1, défaite contre Shawinigan, Samuel Girard en uniforme. Est-ce que ça a paru un petit peu qu'il a été retranché? Non, il n'était pas en uniforme. C'était son dernier match de suspension vendredi soir. Ah, il y avait une suspension de 3 matchs avant de quitter. Okay. C'était son dernier match de suspension, donc il n'était pas dans l'alignement. Ça aurait peut-être fait encore plus mal si le jeune Girard avait été sur le cas vendredi soir dernier. Ça allait vite pour les joueurs des Sags. C'était pas une bonne partie de hockey. Ça a mal débuté, je dirais. Il y a eu quelques buts marqués rapidement, puis on les a sentis un peu déconcertés, je dirais, sur la patinoire du côté de Shawinigan. Je demandais justement avant le match à Yannick Jean si on était déjà rendu peut-être à l'esprit des joueurs proches ou trop proches du congé des fêtes, puis qu'on voyait les congés arriver, qu'on avait juste hâte de se retrouver dans nos familles, puis peut-être décrocher un peu du hockey qui a été très, très, très intense, je dirais, dans la période du mois de novembre, puis où là où on a été fatigué peut-être un peu plus mentalement, un peu plus fatigué physiquement. Il y a des joueurs qui ont beaucoup de contusions présentement, que les quelques jours de repos hors de la glace vont être d'un grand bénéfique, vont être très bénéfiques, je dirais, pour certains joueurs de l'alignement des Sags, mentalement, physiquement. bon, vendredi soir, on a vu tout ça s'écrouler dans le match contre les Cataractes de Shawinigan. Mais heureusement, comme je le disais tantôt, ben le lendemain, ben, on a réussi à effacer tout ça après même une autre mauvaise première période. Puis il y a des gens qui ont décidé que c'était assez au banc des Sags. Et on a reviré ça de bord, puis on a réussi à l'emporter 4-3 de façon assez spectaculaire samedi dernier. Bon, c'est sûr que la série de 7 défaites fait mal au classement, mais il n'est pas encore trop tard pour revirer ça de bord. Les Sags, ça va beaucoup s'améliorer. Là, l'ajout des climats, l'ajout de Joey Rattel, potentiellement l'arrivée d'un autre Européen, en tout cas, on l'espère. Exactement, tu sais, plus un défenseur ou deux dans tout ça. Ça risque de donner de très, très bonnes parties de hockey au Centre Georges Vézina et sur la route dans la deuxième moitié de saison des Saguenay. L'important, c'est de faire monter le jello, comme dirait mon feu Jean Lapierre, que le jello prenne. C'est ça l'important, oui. Là, après tout ça. Oui, mais comme je te disais, c'est arrivé qu'il y a eu des nouveaux joueurs qui se sont intégrés au groupe au début de la saison, dans la saison morte l'année passée. Tu sais, je te le dis, le Frédéric Allard avec Julien Carignan, avec Antoine Marcoux, avec Nicolas Roy, avec Julio Bilia, avec Xavier Potvin, avec tous les vétérans de l'équipe, là, réussissent à former un bon noyau, mais il n'y a pas de clan chez les Saguenay de Chicoutimi. Souvent, les Anglos vont rester ensemble, les Euros vont rester ensemble, les Québécois de Montréal vont rester ensemble, les Québécois de Québec vont rester ensemble, mais chez les Sags, il n'y a pas de groupe, il n'y a pas de sous-groupe. En fait, il y a un groupe, c'est une équipe de hockey, ça s'appelle les Saguenay de Chicoutimi, puis il n'y a pas un Euro qui est dans le coin tout seul. Tous les gars participent à toutes les activités des équipes, des joueurs ensemble. C'est un beau groupe de gars, puis ce qui est le fun, c'est que... En fait, ce qui est le fun, c'est que présentement, comme tu dis, le jello, il a levé, je pense, dans la chimie chez les Saguenay de Chicoutimi. Ce qui va être difficile, ça va peut-être de reproduire ça dans les prochaines années, de la façon dont ça se comporte dans le vestiaire des Sags présentement. Nicolas Roy, Frédéric Allard, c'est deux joueurs exceptionnels, deux individus exceptionnels dans une chambre de hockey. Ça va être difficile à reproduire, je dirais, dans les prochaines années chez les Sags, même si on voit des Vincent Lapalme arriver par en arrière, puis démontrer beaucoup de leadership, puis probablement le prochain capitaine des Sags ou dans deux ans chez les Saguenay de Chicoutimi, là, un gars avec beaucoup de détermination. Mais tu sais, il sera jamais Nicolas Roy du côté des performances sur la patinoire, mais hors de la glace, par contre, je peux vous dire que c'est un individu extraordinaire, puis le leadership chez les Sags est quand même assuré pour les prochaines années, là, après le départ des Nicolas Roy puis des Frédéric Allard à la fin de la présente saison. OK. Ben, si tu permets, Sébastien, gros merci. Je te souhaite de joyeuses fêtes, une merci. Bonne année, et au plaisir de se reparler en 2017, et merci d'avoir interrompu mes vacances pour ma chronique. Interrompu mes vacances, ouais. Pas tes vacances, Danny. Non, je te souhaite de joyeuses fêtes à toi aussi. Excuse-moi. Exact, et à tous les auditeurs de danradiosport.com. Merci beaucoup, Sébastien Morin, le descripteur des matchs des Saguenay.